Tu as dit que j'arriverais pas, m'a pas cru, m'a pas aidé. C'est B2O, tu te rappelles de moi, PD. Laisse les boycotter mon son, on a leur cul dans le sonar. Fais attention, les porcs sont partis chasser le Mola Oma. Petit, mélange pas la F1 et le karting. On n'est pas back dans les bacs parce qu'on n'est jamais parti. La politique, c'est qu'une partouze de chien errant, du néant sans un géant. Je suis la bonne et la mauvaise news. Le son vient de la Benz, le tien de la Benz, tu le sais. C'est 9-2, le son du QG. Ivre en écoutant mon son, ma chanson, tu veux la vivre. Tu veux te laisser parer, wesh ma gueule, qu'est-ce qui t'arrive? La banlieue c'est dangereux, t'as raison de te chier dessus. La police n'y peut rien, le monde part en sait dessus. Moi j'sors des CD quand je veux, Vesky m'arrache en jet, reski. C'est lunatique, dooms, MO, clique et si ton marmot. Mélange pas sa coca de l'eau, c'est ni la faute à B2O, ni la faute à Pablo. Dans ma tête, ils veulent utiliser ma technique, doucement me la mettre. C'est pour ceux qu'on révisait, pour ceux qu'on visait la tête. Sans pilote, sans king gate, j'arrive au top sans clim. Dur de concevoir la vie sans crime team, et milliards sans team. Rap imité plage, j'ai rendu cool. Du coup, beaucoup de faux MC, seigneur du coup. C'était du lourd, y'aurait de l'or, a dit le Boumara. Pour ces mecs du bitume, la plume des trois rats. Ce qui compte, c'est le geste. Des fois, je vois arrêter. Ok, je reste pour les empêcher de croquer, je blesse. En plus, avec un croque-mort dans le show business. Tu sors de tôle, oh, c'est cool, fais-moi la bise, mec. Guette pas la guest list, laisse-moi passer, fils. Les putes dans la poche, les flingues dans la poche. Petite vieille, tiens bien ta sacoche. Je vais faire un sale gosse, résiste pas. Tu kiffes ma banlieue West, si star. Et si ton mec a pas que plus 10, moi, tu me connais, je suis bon capéra. A faux, il trou de balle dans la justice. Tout à coup, l'indépendance bat des records. Putain, tout à coup mon hardcore est devenu or. N'ai aucun doute sur le département. Récolte ce que tu sais, moi c'est la haine que je t'enseigne. Quartier Haute-Seine. Qui m'a pas cru, m'a pas aidé. C'est mes deux ans, tu te rappelles de moi. Dans ma tête, ils veulent utiliser ma technique. Doucement me la mettre. C'est pour ceux qu'on révisait, pour ceux qu'on visait la tête. Sans pilote, sans king gate, j'arrive au top sans clim. Dur de concevoir la vie sans crime team. Et milliards sans team. Un rap imité plage, j'ai rendu cool. Du coup, beaucoup de faux MC, seigneur du coup. C'était du lourd, y'aurait de l'or, a dit le Boumara. Pour ces mecs du bitume, j'ai attrapé le crime en plein vol. La rage au ventre, sans pas armé d'un paintball. Chez nous on vole, ensuite on vend. Moi j'ai quitté l'école pour la tôle. J'caresse en cognant, mes frères ils rentrent et sortent en grognant. Moi absent le pognon, les pâtes à l'oignon. Manière, moi j'suis celui qui a dit non. Va niquer ta mère, du whisky sous les aisselles. Regardant vers le ciel en puissant. J'fais des thunes réfléchissant au CL600. Nouvelle coque, c'est cop au micro. Négro, c'est nouveau style, nouvelle école, nouvelle époque, nouveau deal. Rébellec, nouveau missile, mec, nouvel homicide. Balance tes billets sales dans la bassine, vite. J'serais cachère si j'me régorgeais. Frère, sortez les seringues de vos artères, crevez les pneus du charter. Qui m'a pas cru, m'a pas aidé. C'est B2O, tu te rappelles de moi. Dans ma tête, ils veulent utiliser ma technique, doucement me la mettre. C'est pour ceux qu'on révisait, pour ceux qu'on visait la tête. Sans pilote, sans king gate, j'arrive au top sans clim. Dur de concevoir la vie sans crime team. Et milliards sans team. Un rap imité plage, j'ai rendu cool. Du coup, beaucoup de faux MC, seigneur du coup. C'était du lourd, y'aurait de l'or, a dit le Boumara. Pour ces mecs du bitume, la plume des trois rats.